cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Debout les peuples de l'URSS, les républiques s'émancipent. Le vendredi 10 novembre 1989, le quotidien Le Parisien titre à sa une « La fin du mur ». Il est aussi question de la Chine où Deng Xiaoping passe la main mais garde le manche. Ça, c'est le titre. Quant au Monde, il annonce que les Allemands se déplacent désormais librement de l'Est à l'Ouest. Et pour Sud-Ouest, le journal, c'est l'adieu au mur. Pour son édition du week-end, le 10 novembre 1989, donc Ouest France titre « Allemagne, frontière ouverte, les citoyens de RDA libres d'émigrer vers la RFA, République démocratique allemande, République fédérale allemande », des mots oubliés aujourd'hui. Tiens, dans Ouest France, il est aussi question d'anciens poilus attendus à l'Arc de Triomphe pour la cérémonie du 11 novembre. Quand la Grande Guerre est commémorée, c'est un étrange écho à la fin de la guerre froide. Alain Blum, bonjour. Bonjour. Quand nous parlons d'URSS, c'est vrai que d'un seul coup, toutes ces lettres se collent. C'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Si l'on fait un petit retour en arrière, cette union, ça veut bien dire quelque chose, une union. À quel moment se met-elle en place? C'est une vieille union au moment qui nous intéresse dans ces années 1980. Mais oui, c'est une union qui se met en place en fait en 1922, suite à la révolution bolchevique de 1917. En fait, elle se met en place en deux moments, je crois que c'est important pour comprendre la suite. Donc en 1922, quand finalement se crée un premier ensemble territorial, c'est une fédération, c'est une union de républiques, soi-disant pouvant quitter l'union, mais naturellement, elles n'en ont pas la possibilité. Elle s'élargit. Suite au pacte Molotov-Ribbentrop, qui est très important dans cette histoire, en août 1939, puis elle s'élargit à la Lituanie, à la Lettonie, à l'Estonie, à l'Ukraine occidentale, et qui seront occupés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, puis repris par l'Union soviétique à partir de 1944. Donc il y a deux étapes fortes de cette union de 15 républiques socialistes soviétiques. Merci pour ce rappel, parce que au moment de réfléchir à la disparition d'une union, il est quand même nécessaire de rappeler d'où vient cette union, et puis de rappeler aussi que l'URSS a une frontière, mais que le bloc de l'Est est beaucoup plus large. Il y a tous ces États satellites. Tout à fait. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a finalement l'URSS est un des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et va créer cet ensemble géopolitique qu'elle va dominer jusqu'en 1989, qui comprend en fait la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et l'Allemagne de l'Est et d'autres naturellement, la Tchécoslovaquie. À l'époque, c'était Tchécoslovaquie et non pas Tchéquie et Slovaquie. Avec cette question, comment expliquer l'effondrement? Il faut faire de la géographie à ce moment-là. C'est d'où ça part. Nous connaissons bien cette chronologie en fait dans les années 1980 avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev en 1985, au pouvoir, en URSS, cette réforme qu'il met en place, ou ces réformes, la perestroïka, la glasnost, est-ce que ça a un écho très fort dans les périphéries? Alors, ça a un écho très fort à plusieurs titres. D'abord, pourquoi il met en place ces réformes? C'est qu'effectivement, il y avait une sorte d'épuisement du pouvoir soviétique. Gorbatchev, un vieillissement des dirigeants. Gorbatchev est très jeune par rapport aux anciens dirigeants, par rapport à Brejnev, Andropov, Tchernenko, qui reste 6 mois avant de décéder, juste avant Gorbatchev. Donc, il perçoit la nécessité de renouvellement. On est dans un monde qui a profondément changé, où les communications commencent à s'élargir. L'URSS est passé à côté de beaucoup de la modernisation du monde. Et du coup, effectivement, il met en place en espérant une sorte de transition vers un monde soviétique qui serait plus ouvert, tout en conservant l'idée qu'il faut garder l'Union soviétique. Mais ça a énormément d'écho dans tous les pays de l'Est qui sont aussi dirigés par une ancienne élite âgée. Et du coup, en fait, il faut bien concevoir que ce qui arrive en 88-89, c'est pas que l'URSS, c'est l'ensemble de ce bloc où les populations, mais aussi des membres qui participent à la politique, aux États, se mettent en branle pour réclamer des profondes réformes qui vont conduire à l'éclatement de l'URSS, qui vont conduire aussi à la fin finalement des partis communistes tels qu'ils étaient dans ces États-là. Mais juste, vous avez évoqué en entrée le fait qu'il y a eu la commémoration du 11 novembre à ce moment-là. Je pense que c'est très important de voir que ce qui va se mettre en place juste après, c'est finalement ce qui était en place juste après la Première Guerre mondiale. La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie étaient indépendantes. L'Ukraine a eu un moment, une indépendance dans les frontières actuelles. Donc quelque part, c'est comme si on mettait brutalement entre parenthèses l'histoire soviétique. Drôlement intéressant ce que vous nous racontez là, parce que effectivement, après la Première Guerre mondiale, l'Autriche-Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie disparaît. Il y a des pays qui se mettent en place, et le sentiment, le vécu pour tous ces États satellites, c'est peut-être aussi de retrouver une forme d'indépendance. Ah, tout à fait. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, quand on voit les déclarations d'indépendance, la première déclaration d'indépendance d'une république soviétique, c'est la Lituanie. La Lituanie déclare en mars 90. En fait, sa déclaration d'indépendance, c'est la restauration de la Lituanie d'avant 1939, d'avant l'annexion suite au pacte Molotov-Ribbentrop. Et la Géorgie va aussi se réclamer de la Géorgie de 1921. Tous ces États reprennent quelque part une situation de l'entre-deux-guerres qu'ils avaient plus ou moins, les États baltes étaient restés indépendants, le Caucase non, et ils reprennent ce qui était justement de cet entre-deux-guerres. Donc c'est assez fascinant comme reprise de l'histoire. C'est un très bel écho, et toujours dans cette réflexion entre la notion de centre et de périphérie, avec nous dans le cours de l'histoire, Claire Mouradian, bonjour. Bonjour. Nous avons dit qu'il y avait dans cet univers, ce bloc de l'Est, l'URSS et puis des États satellites. Peut-on dire d'ailleurs qu'il y a deux périphéries? Il y a une périphérie qui serait celle des États satellites, et puis une autre périphérie qui serait les républiques faisant partie de l'URSS. Oui, enfin, elles ont d'ailleurs été soviétisées ou passées dans le bloc dit de l'Est à différents moments, comme Alain Blum vient de le rappeler. Je pense qu'il faut se rappeler que, enfin, les premières indépendances et la naissance de l'URSS sont dans la suite de l'éclatement de l'Empire tsariste. Et le terme d'empire n'a pas été utilisé, mais les périphéries, au moment de la défaite et des révolutions russes, se sont échappés aussi. Donc c'était tous des pays conquis à différents moments de l'histoire, les pays baltes au XVIIIe siècle, le Caucase entre le XVIIIe et le XIXe, l'Ukraine dès le XVIIe siècle. Et donc cette situation impériale éclate, comme vous avez rappelé aussi la fin de l'Empire austro-hongrois. Enfin, la première guerre, on dit qu'elle est fossoyeuse d'empire, c'est la fin de l'Empire ottoman, la fin de l'Empire allemand. Donc tous ces mouvements se font écho aussi. Et la fin de l'URSS, d'une certaine façon, correspond aussi à un moment, Alain l'a rappelé, d'affaiblissement du pouvoir, d'affaiblissement économique qui est symbolisé par quelques catastrophes comme Tchernobyl, mais aussi des défaites, la défaite en Afghanistan face à, disons, une armée entre guillemets quasiment entre guillemets de va-nu-pied, enfin la plus puissante armée, une des plus puissantes armées du monde est battue et tenue en respect par cette poignée de résistants. Donc là, il y a aussi ce phénomène de défaite qui joue, et effectivement la nécessité d'un empire rénové, mais qui va aller plus loin. Et donc les républiques avec le mouvement de vague qui va commencer sans doute à ceux qui ont été soviétisés le plus tardivement, donc dans les démocraties dites populaires, dans les pays baltes, etc. Et puis qui va atteindre aussi tout l'ensemble des marges, des différentes républiques de l'URSS, avec un rythme qui suit un petit peu la force du sentiment national, des références anciennes. Certains des États avaient eu des royaumes, des États, des républiques indépendantes, d'autres non. Et donc ce mouvement aussi se coagule, se catalyse en fonction de ces rappels historiques. Et donc c'est la fin d'un pouvoir, c'est aussi la fin d'un empire, avec une fédération qui se révèle de plus en plus fictive, surtout au moment où Gorbatchev appelle à remplir les pages blanches de l'histoire. En 1985, Gorbatchev est au pouvoir, il y a la perestroïka, il y a la glasnost. Dès lors, comment sont perçues ces politiques, vues de la périphérie, vues des marges? L'un de ceux qui s'inquiète, Erich Honecker, semblait pourtant n'avoir aucune réticence voilà quelques semaines. Il faut dire que la position est-allemande est délicate. L'économie se porte bien mieux que celle de l'URSS et donc officiellement, la RDA n'a rien à apprendre du grand frère soviétique. Mais quand il s'agit de démocratisation, de transparence, le gouvernement trouve bien trop hardi les propositions soviétiques. On parle beaucoup du programme de Gorbatchev, on en discute. Je sens que pour la première fois, une grande partie de la population évoque des sujets qui étaient confinés dans une sorte de tabou. Discussion sur le système électoral, sur l'autogestion dans les entreprises, etc. Le fait que notre gouvernement estime que ces changements ne sont pas nécessaires en RDA met en évidence l'énorme fossé entre le gouvernement et la population. C'est en 1987 qu'un reportage était réalisé sur la contestation de la politique proposée par Gorbatchev. Nous étions en 1987 quand même. Alain Blum, il faut rappeler, et vous l'avez déjà dit, que Gorbatchev ne veut pas renverser le communisme, il veut réformer. Mais dans chaque pays, nous sentons bien qu'il y a des voix différentes, des réceptions différentes à ces propositions. Oui, tout à fait. Alors déjà, en Russie même, avec effectivement le développement d'un grand nombre de clubs de réflexion, d'engagements qui parfois sont très proches d'ailleurs de Gorbatchev. Mais c'est particulièrement développé justement dans toutes ces républiques, plutôt Lituanie, Lettonie, Estonie, Ukraine, où se créent des fronts populaires. Des fronts populaires qui à la fois réclament l'indépendance, pas au début une forte autonomie, hein, l'indépendance viendra un peu plus tard, et en même temps réclament effectivement la fin du monopole du Parti communiste. Et les hésitations de Gorbatchev, on les verra, puisque lors de la première réforme constitutionnelle de fin 88, il conserve le rôle dirigeant et l'unicité du parti. Il faudra attendre 90 pour qu'il admette que le multipartisme est acceptable. Donc il cherche vraiment à... En fait, il est dans les hésitations, je sais pas, je ne peux pas me mettre dans sa tête, il a écrit depuis pas mal de choses, mais c'est difficile a posteriori de voir. Mais très clairement, il hésite sur le chemin à suivre et il est quand même formé à l'optique d'une Union soviétique et d'un parti communiste dominant. Oui, c'est ça. Alors qu'effectivement, en Lituanie, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé, en Lituanie, le mouvement Sayoudis, ou le Front populaire estonien, ou le Front populaire letton, ou encore le Roura en Ukraine, eux, très clairement, conçoivent qu'il faut recréer quelque chose de très différent. Oui, parce que voilà, ça, c'est une histoire complexe, c'est-à-dire que la réception, les voix sont différentes selon les pays. Et puis, dans les républiques soviétiques, il y a l'Arménie. Hein. Claire Mouradian, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'Arménie, sur l'Arménie. Et puis, de Staline à Gorbatchev, l'histoire d'une république soviétique, l'Arménie. Comment la politique de Gorbatchev est-elle perçue dans ces républiques, notamment l'Arménie ? Dans l'Arménie, comme dans les autres républiques, on prend Gorbatchev au mot. C'est-à-dire qu'il veut rénover d'abord l'économie aussi. Il y a beaucoup de références à la NEP. Et comme symptôme de cette prise au mot, c'est en Estonie, justement, et en Arménie qu'il y a le plus d'entreprises privées, de coopératives privées qui se mettent en place. Et puis, appelle aussi à... corriger les erreurs de Staline, et pour les Arméniens par exemple, une des erreurs de Staline, c'est le rattachement du Haut-Karabakh peuplé en majorité d'Arméniens à l'Azerbaïdjan, mais il y en a d'autres. Alors les mouvements sont d'abord très prudents suivant les positions des uns et des autres. L'Arménie par exemple est coincée entre le souvenir du génocide et ce qui se passe du côté turc, c'est-à-dire pour elle, la Turquie membre de l'OTAN n'est pas forcément attractive, alors que pour les Baltes, la Scandinavie ou l'Europe l'est plus, enfin en fonction de cette histoire. Et donc ça commence plus prudemment, d'abord par des revendications écologiques aussi. Parce que ça, c'est aussi un mouvement qui n'est pas neuf. Dès les premiers dégels, on a eu ça. Et donc, c'est une forme aussi de protestation prudente contre le centralisme qui impose des décisions du centre qui ne marchent pas. Et puis, on conteste de l'intérieur l'ordre fédéral. Donc, on demande non pas de se séparer de l'URSS au début, mais de rattacher le Karabakh à l'Arménie. Et puis, le mouvement va prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'évidemment, changer le statu quo, bon l'écologie encore ça va, mais changer le statu quo, ça remet en cause l'ensemble de l'échafaudage fédéral. Claire Mouradian, vous avez évoqué la NEP, la nouvelle politique économique, et là aussi nous faisions un écho à la Première Guerre mondiale. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, d'autres voies sont possibles, en fait. Les gens en sont conscients. Tout à fait. L'ANAP, disons, c'est un moment où, après le communisme de guerre, où on avait tout nationalisé, confisqué, etc. Bon, on est arrivé à de la famine. Et donc, pour aller à l'encontre de la famine, on a réautorisé un minimum de propriété privée, notamment agricole. Bon, ça a été repris en main, une réforme agraire. Donc, les paysans ont eu enfin la terre qui leur avait été promise depuis l'époque tsariste. Ça a été repris en main ensuite par Staline avec la collectivisation. Et donc, les références à l'ANAP, ça fait référence à un moment de dégel aussi, d'une autre effectivement voie possible et de plus de liberté, parce que c'est une époque où on s'est ouvert à l'Occident, on a accepté de l'aide extérieure. Donc ce qui est rappelé pour donner un modèle à ce nouveau fonctionnement en restant dans le système par Gorbatchev, mais il va être pris au mot, il va aller plus loin. Et d'une certaine façon, l'entreprise va échapper au premier secrétaire, enfin disons au chef de l'État. Alors il propose un empire rénové, mais sans remettre en cause complètement l'URSS, mais bon, le souvenir de l'histoire. Puis on a affaire, on parlait tout à l'heure de vieille génération au pouvoir, donc Gorbatchev est jeune, mais la population aussi, c'est une jeune génération qui n'a pas connu le stalinisme, qui a grandi à l'époque du dégel, donc qui a moins peur que la génération précédente, et donc qui va aussi s'animer. Et puis, comme le rappelait aussi tout à l'heure Alain, il y a une plus grande ouverture à l'Occident, on reçoit les émissions de radio de l'Occident, on peut même capter parfois la télévision par satellite. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans un monde clos, fermé, comme c'était le cas une décennie avant. Alain Blum. Oui, et je crois qu'il y a aussi un élément auquel il faut penser, qui explique qu'il y a à la fois le bloc de l'Est et ses républiques, c'est que paradoxalement, l'URSS a aussi créé des États dans son intérieur. Elle a créé vraiment des structures étatiques. C'est-à-dire que la Lituanie, finalement, l'Ukraine, quand elles deviennent indépendantes, elles n'ont pas changé grand-chose sur les structures qui existent. Il y avait les soviets suprêmes qui deviennent des parlements. D'ailleurs, on voit même que les dirigeants du Parti communiste, alors beaucoup en Asie centrale, mais même dans ces républiques occidentales, les dirigeants du Parti communiste, parfois, pas tout de suite, mais redeviennent présidents des États indépendants. Donc, paradoxalement, l'URSS solidifié par rapport à l'après-Première Guerre mondiale, où là c'est une destruction d'empire, où les États n'étaient pas très formés, l'URSS a solidifié ces États. Ouais, l'URSS a solidifié des États parce à l'intérieur. Que dans le cas de l'Arménie, c'est tout à fait ça. Disons qu'il y avait eu des États anciens, mais... Bien sûr, mais surtout pour l'Arménie, l'ancienneté, évidemment. Effectivement, ouais. Il y a les États, sur la base des républiques indépendantes, donc qui ont été avalisées par l'URSS, même si elles ont été remises dans le giron de Moscou, on a créé des coquilles. Vide au départ, parce que la Constitution, d'une certaine façon, il faut la liser, c'est tout le pouvoir au centre et le reste aux républiques. Mais cette coquille a effectivement eu un sens, il y a eu des structures, il y a eu des dirigeants, il y avait des cadres, et donc qui ont aussi été empreints de l'esprit soviétique, mais avec une nouvelle génération plus ouverte, éduquée un petit peu différemment, et donc cette coquille s'est remplie très très vite, il n'y a pas eu de véritable vide. Il y a eu une rupture des relations internes république qui a provoqué d'ailleurs parfois des catastrophes économiques parce qu'on fabriquait des pièces de voiture dans différents endroits et quand le système ne fonctionne plus, ça peut s'écrouler. Mais ça crée effectivement une référence précise, étatique. Il n'y avait pas d'armée nationale, mais on savait qu'il fallait une armée nationale, donc on l'a créée. Il n'y avait pas de ministère des Affaires étrangères propre, mais on savait que ça devait exister. Il y a d'ailleurs, à certains moments, il y en a eu dans l'histoire soviétique. Donc ça s'est mis en place aussi assez facilement. Illustration d'une de ces indépendances. Nous sommes le 23 août 1990, déclaration d'indépendance de l'Arménie. Le Conseil suprême de la République soviétique socialiste d'Arménie, conscient de sa responsabilité devant le destin du peuple arménien, engagé dans la réalisation des aspirations de tous les Arméniens et la restauration d'une justice historique, se référant au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des normes du droit international universellement reconnues, exerçant le droit à l'autodétermination libre des nations, déclare le début du processus d'établissement d'un État indépendant. La République d'Arménie dispose de sa part des dispositifs militaires de l'URSS et de sa part de la richesse nationale de l'URSS. Sur son territoire, la République d'Arménie assure la liberté d'expression, de la presse, de conscience, la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, le pluralisme des partis politiques, l'égalité de droit des partis, la dépolitisation des forces de l'ordre et des forces armées. Vanda Benes, qui dans le cours de l'histoire lisait cette déclaration d'indépendance de l'Arménie. Là aussi, nous avons un concentré d'histoire. C'est ce qu'on attend d'une déclaration, d'un texte officiel. Mais c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein. C'est là tout à fait. Et vous voyez qu'en même temps, la déclaration est très prudente, comme elle l'avait été d'ailleurs lors de la première indépendance qui avait succédé, enfin les déclarations après la Géorgie et l'Azerbaïdjan, parce que l'Arménie se sentait dans une position assez faible. Il y a un autre phénomène que je voudrais quand même aussi rappeler à cette époque, c'est que dans ces mouvements, les républiques s'observent. C'est-à-dire les populations savent ce qui se passe ailleurs, enfin il y a les nouvelles, elles ont observé aussi ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en RDA. Et donc ces mouvements aussi, comment dire, fonctionnent un peu ensemble de façon implicite. Et d'ailleurs une fois, Van der Bedrossian, enfin, j'avais interrogé à ce sujet, m'avait dit bon, il n'y avait pas eu tellement, pas forcément de, comment dire, de voyages pour aller voir. Mais parfois, il y a eu des Polonais qui sont venus en Arménie ou des Arméniens qui sont allés dans les pays baltes. Mais ils disaient, on regardait ce qu'un mouvement avait obtenu et on considérait que c'était acquis pour tout le monde et on repartait de là et on continuait, on faisait un pas de plus pour petit à petit déconstruire les différentes briques du système. Oui, parce que c'est une histoire qui se construit pas à pas. Alain Blum, la notion même d'indépendance n'est pas à l'évidence au début. C'est pas ça l'indépendance que l'on souhaite tout de suite. Ah, pas du tout, effectivement. Au début, d'abord, c'est effectivement une forme de libéralisation un peu générale de la parole, de cette possibilité de parler de l'histoire, cette possibilité de publier ce qu'on a envie de publier. Donc d'ailleurs, c'est une période fascinante et passionnante, parce que ça remue de partout, ça écrit. Je pense que un moment quand même assez crucial, ça va être 1989 et la remise en cause du pacte Molotov-Ribbentrop. C'est-à-dire, en fait, c'est la remise en cause des acquis, enfin acquis, je sais pas si c'est le terme d'ailleurs, de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que brutalement va apparaître cette idée que il faut remettre ça en cause. Et du coup, tout le bloc de l'Est jusqu'aux territoires occidentaux de l'Union soviétique, là, vont penser indépendance. C'est vraiment ce, et c'est cette voilà. Oui, c'est ça. Hein. C'est dès le... Alors, on est en 1989, hein, mais c'est l'été. Hein. C'est pas vraiment le début de l'année. Hein. Ouais. C'est vraiment l'été 1989. Et vous nous l'avez dit. Hein, c'est surtout dans les pays baltes. C'est intéressant. Hein, les derniers pays colonisés, annexés par l'URSS, j'allais dire colonisés par la Russie tsariste. Mais c'est oui. Là où il se passe des choses au mois d'août 1989. Ça, c'est le jingle de la radio publique lituanienne aujourd'hui. De la diffusion du 23 août 1989, il ne reste aucune archive. Pourtant, la radio a joué un rôle primordial dans cette chaîne humaine. Mindaugas Žvirblis, ancien ingénieur en électronique, a depuis toujours un poste de radio dans chaque pièce. Le jour de la voie balte, il en avait un aussi dans sa voiture. Au 17e kilomètre, j'ai garé ma voiture, j'ai allumé mon transistor, je l'ai collé à mon oreille et je me suis mis dans la chaîne. C'est comme ça que j'ai su qu'un avion nous survolait et nous jetait des fleurs, que tout le monde était prêt pour former la chaîne. Dans le poste, l'ancien ingénieur en électronique entendait Vidmantas Putelis. J'ai dû commencer l'émission comme ça. Vous écoutez Radio Lituanie, dans quelques instants l'antenne va être consacrée à la voix balte. Il n'y avait rien à dire de plus. Cela a suffi pour que les gens mettent le son plus fort. En 2019, RFI consacrait une émission aux 30 ans de la voix balte. Mais quel espoir, Alain Blum, on l'entend là-dedans, il y a une effervescence. À la voie balte, c'est un moment assez extraordinaire et qui montre d'ailleurs à quel point ces populations étaient déjà organisées. En fait, ils commencent à en discuter entre Front populaire estonien, letton et lituanien, je crois début août en fait. On ne connaît pas complètement le détail, et en fait, ils décident de créer une chaîne humaine. Alors, a priori, c'est une des premières chaînes humaines. Ensuite, c'est devenu la mode, un moyen de mouvement qui relierait les trois États baltes annexés. Et ils veulent faire ça le jour anniversaire de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, le 23 août 1939. C'est pour les 50 ans, en fait. Et de fait, ils vont faire une chaîne humaine de 600 et quelques kilomètres. C'est quand même assez fou. Ils vont réussir à organiser ça. On pense qu'il y avait entre 1 million et 2 millions de personnes qui se sont joints. Donc, près de 25% de la population de ces trois États. Et ça va être vraiment le moment phare, je pense, du renoncement à tout ce qui a suivi la position soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'on voit aussi que l'indépendance, elle était déjà là, parce que, par exemple, on dit dans ce reportage, il y a des avions qui survolaient. En fait, le vol avait été interdit, par le pouvoir soviétique, bah, malgré tout, les avions ont survolé cette voie balte. Il y a énormément d'images. Voilà. Et ça sera repris plus tard en Ukraine. Enfin, ça va devenir un moment, mais c'est, je crois que c'est unique dans l'histoire de mobilisation. Unique dans l'histoire de mobilisation. Et puis, l'idée d'avion qui survole un territoire, c'est la notion de souveraineté aussi, Claire Mouradian, qui est importante ici. Oui, parce qu'au début, on parle moins d'indépendance que de souveraineté. Dans cette démarche de pas à pas. Et suivant les républiques, on reste encore dans le cadre soviétique, c'est-à-dire des manifestations autorisées. Alors, ce qui a aussi été un peu, catalyseur, c'est qu'on s'est rendu compte petit à petit qu'il n'y avait pas eu, à la différence de ce qui s'était passé en 68 à Prague, d'intervention armée en Pologne, au moment de Solidarność. Il n'y a pas eu de répression massive. Et donc, comme vous le disiez, ces avions survolent, mais ne bombardent pas des foules. Alors, au niveau des mobilisations, on en a aussi au sud, notamment en Arménie, à la suite donc de l'appel du soviet, le vote du soviet suprême du Karabakh, de ce rattachement à l'Arménie. Il y a d'immenses foules qui se répandent dans les rues. Il y a plus d'un million d'habitants dans les rues d'Yerevan sur 3 millions d'habitants. Donc. Et ces mobilisations ont aussi une histoire. Il y a eu des mobilisations de même nature en 65 pour la commémoration du cinquantenaire du génocide. Donc ce type de manifestation n'est pas totalement nouveau. Ce qui se passe en 88-89, et je reprends l'expression d'un des leaders du mouvement Karabakh, c'est quand la foule devient peuple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers ces mobilisations, comme à travers celle évoquée par Alain Blum, donc de cette chaîne, les gens se rendent compte qu'ils représentent une force, qu'ils peuvent se mobiliser ensemble et qu'ils peuvent demander quelque chose. C'est-à-dire que ce qui est surmonté, c'est la peur et le sentiment d'être impuissant face au régime. Et ça, c'est très important, et de pouvoir justement se retrouver ensemble dans une même demande, et donc ça fait tache d'huile, et ça conforte tous ces mouvements. Des jeunes générations, une vraie effervescence, et Claire Mouradian, vous l'avez bien dit aussi, enfin tous les deux d'ailleurs, Alain Blum, que les moyens de communication permettent de diffuser beaucoup de choses, de la parole sans doute, des chansons aussi. En 1989, Nina Hagen chante Mikhaïl Gorbatchev. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Здравствуйте, товарищ Михаил Горбачев. Здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина Хаген. Lass dir bloß nicht über'n Tisch ziehen und zieh uns nicht über'n Tisch. Michaïl, Michaïl, bleibe klug und bleibe schlau. Bleibe Kind und sei ein Mann und sei tapfer wie ne Frau. Sonst gab's Kanonen statt Butter, jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorgi, nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will im Kien Paradies drin, die Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will bloß Wahrheit, Brot und Tomaten, für Liebe und ein Sojabraten. Oi, oi, Mama, Hoffnung, die ich heg. Mütterchen, mein Russland, mach dich auf den Weg. Oi, oi, Mama, blas mal in den Glut. Feuerchen, du wärmst mich und das macht mir Mut. Michaïl, Michaïl. Michaïl. Michaïl, Michaïl. En 1989, Nina Hagen chante Mikhaïl, Mikhaïl. C'est le Gorbatchev rap dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Ah, debout les peuples de l'URSS, les républiques s'émancipent dans le cours de l'histoire. Alain Blum, alors je ne sais pas si vous avez le double six, mais en tout cas, nous jouons un peu au domino. Nous avons parlé de la voie balte à l'été 1989 dans les pays baltes, un mouvement. Peut-on dire qu'il y a un effet domino, pays après pays? Nous le voyons, la chronologie comme ça se suit presque, tout est enchaîné. Alors domino, c'est à la fois domino et fusion, parce que avant de venir justement, j'essaie de retrouver. Il est important d'avoir des chronologies très précises tellement ça va vite à cette époque. Mais en même temps, il y a un effet domino, je pense effectivement. 89 est quand même un moment très très précis, mais on s'aperçoit que les mouvements se superposent, comme disait Claire Mouradian, et on s'observe. Et c'est vraiment une effervescence un peu partout. Il y a les événements roumains, il y a la la chute du mur, il y a la table ronde polonaise quand même, qui est aussi en début 89. Enfin, tout ça s'articule plus qu'un effet domino, j'aurais tendance à dire. L'accélération, effectivement, c'est-à-dire le fait que certains... À l'intérieur de l'Union soviétique, je pense qu'effectivement, à partir du moment où un pays a déclaré son indépendance, les autres vont suivre. Et en plus, ils observent effectivement... Il faut rappeler que, par exemple, en janvier 91, il y a l'armée russe, soviétique à l'époque, entre en Lituanie. Il y a quelques morts, enfin, on a l'impression d'une répétition de Prague. Et en fait, dès qu'il y a mobilisation de la population, l'armée soviétique à l'époque, se retire. Donc on voit qu'effectivement... les différentes républiques qui deviennent États s'aperçoivent qu'il n'y aura sans doute pas d'intervention brutale de l'armée. Et là, effectivement, ils suivent les uns après les autres, jusqu'à cette fameuse réunion à Bielowieska et Pouch en Biélorussie, lorsque le président Eltsine, parce qu'il ne faut pas oublier son rôle aussi, le président Eltsine va se réunir avec le président ukrainien et biélorusse pour déclarer en gros la fin de l'URSS, quoi. Oui, parce que faut revenir au centre aussi en temps. Non, mais voilà ce qui se passe à Moscou. Il y a cette république, la Russie au sein de l'URSS, l'Union des républiques. Mais dans ce que nous évoquons, les pays baltes et puis après la Pologne, etc. On pourrait aller à Hongrie. Il y a un statut particulier. Nous avons des États qui font partie du bloc de l'Est. Pour l'Arménie, c'est une république de l'URSS. Est-ce que la situation est vraiment différente au moment de faire des choix? Oui, parce qu'ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas de représentants à l'ONU, ils n'ont pas, enfin, c'est pas le même degré de souveraineté fictive, mais enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait le même degré d'appartenance à l'URSS. Alors, il faut pas oublier, enfin, on parlait quand même il n'y a pas eu d'intervention massive de l'armée, il y a quand même eu de la répression, il y a quand même eu des morts, il y a eu des pogroms en Azerbaïdjan. Parfois, Gorbatchev a utilisé un nationalisme contre l'autre pour le neutraliser, mais ça a eu un effet inverse, c'est-à-dire, du coup, on a perdu la foi dans la capacité de la Russie de protéger l'Arménie, parce que c'était un petit peu comme ça qu'on avait accepté le régime, hein, mieux vaut les Russes que les Turcs, donc ça s'est écroulé. Donc il y a eu quand même des répressions, mais pas aussi massives, effectivement, qu'à Prague, pas de... Et donc, de ce point de vue-là, ça explique aussi la prudence, c'est-à-dire qu'on est allé pas à pas. D'ailleurs, dans la déclaration, on dit conformément à la loi soviétique, à la constitution. Et on a fait, parce que les mécanismes n'étaient pas bien définis, comment on allait le mettre en œuvre, mais il y avait la possibilité, on avait tout évoqué tout à l'heure, de se séparer de l'Union. Et donc, on a utilisé la voie légale. Donc, dans d'autres pays, on a utilisé une voie plus frontale, parce qu'il y avait moins de contraintes géopolitiques, ou de contraintes tout court, ou de contraintes matérielles. Suivant la situation des uns et des autres. Et dans le cas de l'Arménie, Claire Mouradian, il y a aussi des questions liées à la nationalité, liées aux frontières. Hein. C'est cette question du Karabakh. Déjà, vous pouvez nous rappeler, parce que c'est l'actualité. Alors, depuis très longtemps, mais depuis les années 1990, et aujourd'hui encore, cette tragédie qui se poursuit. Quelle est cette question du Karabakh? La question du Karabakh, c'est l'histoire d'une région qui fait partie de plusieurs empires, qui a été partagée entre plusieurs empires, et chaque empire y a tracé ses délimitations administratives successives. Alors, favorisant tantôt l'un, tantôt l'autre, donc au Caucase, pendant longtemps, l'hégémonie principale, c'était l'hégémonie persane, alors qui a reculé à partir du XVIIIe siècle, combattue par l'Empire ottoman de l'autre côté, enfin, contrebattue lancé par l'Empire ottoman, et ensuite l'arrivée des Russes. Et donc, quand l'Arménie est partagée entre trois empires, eh bien les nouveaux empires ou les empires anciens retracent leurs propres frontières. Au moment de la chute des empires, de la décolonisation, les frontières sont remises en cause par les populations parce qu'elles correspondent pas soit à leurs frontières rêvées, soit à l'empreinte ethnique dans chacune des régions, hein, ou à la démographie. Alors, le système soviétique a essayé de faire coïncider démographie et frontières, mais avec des enchevêtrements, des enclavements pour faire plaisir tantôt aux uns, tantôt aux autres. Il y a aussi les contraintes du communisme, ne pas faire plaisir aussi ou ne pas choquer des populations musulmanes, ne pas considérer qu'on est un empire le successeur exactement de l'empire azéri. Et au moment de la chute de l'URSS, à nouveau, ces frontières ont été remises en cause, comme elles le sont dans tous les empires en voie de décolonisation. Et ce mot n'a pas été utilisé, mais il y a aussi cette dimension-là, parce que la fédération soviétique ne fonctionnait. On a beaucoup, les partisans rechignaient à utiliser le terme d'empire. Hein, c'était plutôt les opposants, mais c'est quand même aussi un empire avec aussi ces structures coloniales, et pas de manière de structure classique, mais et donc c'est aussi un mouvement de décolonisation qui a eu lieu. C'est pas simplement un mouvement national ou nationaliste. Et donc dans les colonies, certaines sont privilégiées, d'autres pas. C'est comme après la première ou deuxième guerre, il y a des révisionnistes parce que les nouvelles frontières leur conviennent ou pas. Et donc cette question est de ce fait restée. Voilà le Karabakh déchiré entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, et alors en plus avec des populations qui sont qui ont été historiquement antagonistes, soit par la religion, soit parce que elles ont été, je vous dis, favorisées tantôt par un des empires, tantôt par l'autre. Et vous avez raison, hein, Claire Mouradian, de mettre le doigt sur la question de la démographie. Et écoutez, ça tombe bien, nous avons un démographe avec nous, Alain Blum. Vous êtes historien, démographe, directeur de recherche à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. C'est important. Le regard du démographe sur ces questions historiques. Moi je pense, d'ailleurs je suis rentré dans l'histoire à travers ça, c'est important parce que il y a plusieurs facteurs effectivement qui jouent. Il y a des facteurs qui sont liés simplement au fait que on a une population jeune à l'époque qui est bloquée dans sa dynamique par ce vieillissement des cadres. C'est important parce que l'Empire est quand même l'Empire soviétique, pour effectivement utiliser le terme Empire, l'Empire soviétique est un territoire de grande mobilité, de grande circulation, mais circulations qui ont par moment, par exemple, été des déplacements forcés. Il y a d'immenses déportations staliniennes qui laissent énormément de traces, qui à la fois créent un peu un peuple soviétique et en même temps qui créent tous les antagonismes qui vont ressurgir en 1989. Donc la dimension appropriation d'un territoire, mais aussi violence politique liée à la mobilité, donc au goulag, à la déportation dans des villages spéciaux, elle est essentielle pour comprendre en fait cette rupture avec la Russie ensuite. Claire Mouradian. Et au niveau de la démographie, ça joue beaucoup au Karabakh et en Arménie, parce que les Arméniens vivent avec quand même, hantés par le souvenir du génocide de 1915, d'où ils ont disparu totalement de leur territoire historique, entre guillemets, mais enfin de leur ère, aujourd'hui en Turquie, mais de l'époque ottomane. Et donc, ils se sont repliés sur l'Arménie orientale, donc annexée par la Russie, avec le Karabakh, donc une population à majorité arménienne, mais qui était en voie de récession, parce que donc la démographie des uns et des autres n'était pas pareille. Ils étaient 95% en 1920, ils étaient plus que 75%. Il y avait le spectre de ce qui s'était passé au Nakhitchevan, où ils avaient totalement disparu. Et donc, c'était aussi un moment de sentiment de menace démographique et de risque de disparition. Et ça a beaucoup joué. Donc, c'est un phénomène qui a pu d'ailleurs se faire ailleurs. Par exemple, dans les pays baltes qu'on évoquait tout à l'heure, l'Estonie avait 40% de sa population ethniquement russe. Les Baltes, 40 ou 50%. Et donc, c'était aussi ces phénomènes-là un sentiment de colonisation par, entre guillemets, certes, ils étaient tous soviétiques, mais enfin, néanmoins, la différence ethnique, la différence de langue, disons, la différence de culture jouait. Et bien justement, petit tour dans les pays baltes, en Lituanie. Ici à Vilnius, en Lituanie, pas de Gorbimania, pas un seul badge de Gorbi sur le revers de la moindre veste. C'est un héros partout, sauf en URSS, Lance Arvitas, 38 ans, chauffeur de poids lourd. Dites-lui donc d'apporter avec lui de grosses valises, ajoute l'un de ses confrères. Comme ça, Gorbatchev pourra ramener l'armée rouge d'occupation à Moscou. À l'entrée d'un bar, un groupe de jeunes plaisantent. Ce qu'ils attendent de la visite du numéro 1 soviétique, l'augmentation de la production de bière. Qu'il vienne, dit gentiment une vendeuse mère de 6 enfants. Mais elle prévient tout de suite, ça ne changera rien. Demain, nous serons tous, mon mari, mes 3 filles, mes 3 fils et moi, sur la place de la cathédrale pour exiger l'indépendance. Ce qui a inquiété Nadia, 25 ans, lituanienne, quand elle a regardé hier soir Télé Moscou, c'est cette phrase du présentateur à propos des indépendantistes lituaniens. L'émotion à Vilnius dépasse le réalisme. Quant au premier secrétaire du nouveau PC lituanien, il est apparu à la télévision plus pâle que jamais, l'air déprimé, ce qui augure mal des discussions qu'il doit avoir dès aujourd'hui avec Mikhail Gorbatchev. À Vilnius, Lituanie, Laurent Simon, France Inter. C'était le 11 janvier 1990. Alain Blum, ici il y a de l'humour, nous voyons, c'est intéressant l'humour. Et puis il y a une révolution de velours en Tchécoslovaquie. En Roumanie, c'est beaucoup plus dur, évidemment. Plein de voies sont possibles. Mais l'objectif est-il le même partout? Plein de voies sont possibles, ça c'est, bon, c'est vraiment... Enfin, plein de voies... Les indépendances sont, enfin, les indépendances ou effectivement le dégagement de, par rapport à la domination soviétique se sont faites de différentes manières. Je pense que l'objectif reste malgré tout effectivement un peu le même. Alors, dans les États soviétiques, on l'a dit plusieurs fois, une autonomie et puis une indépendance. Dans les pays de l'Est, ça reste quand même vraiment de se dégager de ce chapeau soviétique, de se dégager, d'aller vers une démocratie, parce qu'on oublie un peu cette dimension-là quand même. Ils vont élire des parlements. Il y a aussi la fascination pour l'Ouest. Ça c'est aussi un élément, je pense, qu'il faut bien prendre en compte. Les Tchécoslovaques à l'époque, les Polonais, les Roumains veulent pouvoir circuler, et il y a un différentiel de développement très important à l'époque. On a oublié la Pologne aussi. Ils sont en retard économiquement. C'est des pays qui sont relativement pauvres par rapport à l'Ouest. Donc là où il y a un objectif commun, c'est effectivement de s'intégrer à l'Europe. Et aujourd'hui, il y a certains pays qui, au contraire, sont dégagés. Mais très clairement, il y a cette volonté de s'intégrer, et je pense qu'elle porte énormément à la fois les populations, mais aussi les responsables de ces différents mouvements. C'est très très clair de ce point de vue-là. En ce qui concerne l'Arménie, c'est une autre phase de l'histoire du pays qui commence, parce que le moment de l'indépendance correspond à un conflit. Oui, comme bon, ça a été la même chose en 18-19. Hein, les premières républiques du Caucase se sont écharpées aussi. D'ailleurs, ça a été une des raisons de leur soviétisation. Se sont écharpées autour des frontières, et justement remettant en cause les limites administratives de l'Empire tsariste. L'armée rouge, dans son intervention, quand elle a soviétisé de force ramené dans son giron, en accord d'ailleurs déjà à l'époque avec la Turquie kémaliste, enfin, il y avait une autre révolution en cours aussi de l'autre côté de la frontière, est intervenue pour résoudre des conflits territoriaux, entre autres, remettant en cause aussi le traité de Sèvres. Et là, disons, ces conflits ont été utilisés par Gorbatchev d'une certaine façon pour essayer de maintenir les républiques en URSS, pour garder le statu quo, donc en jouant d'un nationalisme contre l'autre, en laissant faire des pogroms, et donc tout cela, bon, pas seulement en Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est passé aussi en Géorgie avec les conflits autour de l'Abkhazie, de l'Ossétie, au Caucase du Nord. Donc les conflits nationaux ont été un levier pour Moscou, et donc ça encourageait aussi d'une certaine façon indirectement la violence. Enfin, il y a eu une politique quand même de pourrissement. On parlait tout à l'heure de Gorbimaniat qui n'existait pas partout. Ça a été aussi le cas dans ces régions. Et d'ailleurs, que souhaiter après cette terrible année 1989, terrible pour l'URSS qui voit le bloc s'effriter de partout. Laissons la parole à Václav Havel. Chacun s'est habitué au système totalitaire, l'a accepté comme un fait immuable et l'a donc entretenu. Nous ne sommes pas seulement ses victimes, nous sommes tous en même temps ses co-créateurs. Je vous demande d'accepter cet héritage comme quelque chose que nous avons commis nous-mêmes contre nous. Si nous le prenons ainsi, l'espoir reviendra dans nos cœurs. Pendant de longues années, on n'a pas eu besoin de regarder l'heure, parce que le temps s'était arrêté. L'histoire s'était interrompue, pas seulement dans le château, mais dans tout le pays. Aujourd'hui, au contraire, l'histoire se rue d'autant plus vite en avant que nous sommes enfin débarrassés de la casaque paralysante du système totalitaire, comme si elle voulait rattraper le temps perdu. C'est Václav Havel, Václav Havel qui s'exprime. C'est le 1er janvier 1990, après tout ce qui s'est passé dans le bloc de l'Est. Nous sommes en Tchécoslovaquie, c'est une lecture de Vanda Benech, Benechova. Et juste, dites-nous, Alain Blum, il parle d'histoire à ce moment-là. Le moment est historique, les gens le ressentent. Peut-on dire que tout ce qui s'est passé dans ces marges de l'URSS explique l'effondrement de l'ensemble? Ou est-ce que tout est vraiment né au centre, à Moscou, par les décisions de Gorbatchev? Alors, bon, d'abord, je voudrais dire à quel point ce texte de Havel est beau. Et il a une forme d'optimisme magnifique. Et effectivement, il parle d'histoire. L'autre aspect, c'est, je pense qu'il y a vraiment interaction entre les deux. C'est-à-dire que on peut pas quand même dégager complètement la rivalité entre Boris Eltsine et Gorbatchev. Ça a joué. Parce que Gorbatchev voulait limiter la rapidité des changements. Boris Eltsine était beaucoup plus radical, et en ces moments-là, et ça c'est quand même très important, il avait le support de la population russe qui voulait des gros changements. Donc, effectivement, tout ce qui s'est passé dans les périphéries ou le centre de l'Europe d'ailleurs, parce que c'est pas que c'est des périphéries par rapport à l'Union soviétique, mais a joué. Mais le centre, la Russie à ce moment-là a eu vraiment un élan réformateur très important. Et ça, il faut pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui, on oublie un peu, vu la situation de la Russie contemporaine, qui cherche d'ailleurs à avoir un pouvoir de moins en moins fédéral. C'est assez frappant, les lois. La Russie avec Boris Eltsine comme président, alors que Gorbatchev est le secrétaire général. Oui, à l'époque, c'est ça, tout à fait. Et Boris Eltsine prend finalement en main, quelque part, l'aboutissement de ce processus de la fin de l'Union soviétique. Il est président de la Russie, il arrive... Surtout après le putsch, il faut se souvenir de août 1991, putsch échoué avec tous les vieux crocodiles de l'armée. Le putsch échoue grâce à Boris Eltsine quand même. Sans doute, il n'y aurait pas eu Boris Eltsine, peut-être aurait-il... On ne refait pas l'histoire. Et donc c'est lui qui prend la main sur la fin de l'Union soviétique. Claire Mouradian, quelques mots. C'est aussi parce que l'Occident, en fait, attendait d'une certaine façon que la Russie lâche les républiques. Et c'est quand Eltsine reconnaît les républiques parce que l'Occident n'avait pas tellement envie de voir la désintégration de l'URSS, que c'était compliqué de risque de vide. Et c'est quand la Russie lâche, enfin, donc, Alain a raison, et donc accepte les indépendances des républiques pour lui, pour son propre profit aussi, que, du coup, ces indépendances vont être non seulement possible, mais reconnu par la communauté internationale. Et le sentiment de vivre un moment historique, tous ceux qui étaient, les acteurs, mais tous les autres, autres spectateurs. Nous-mêmes, c'était facile. C'était une évidence. Merci vraiment beaucoup à tous les deux, Claire Mouradian, et je rappelle, l'Arménie, que sais-je. Et puis merci à vous, Alain Blum, déporté en URSS, récit d'Européens au goulag, ou l'âge soviétique, une traversée de l'Empire russe au monde post-soviétique. Avec trois côtes. J'allais dire, vous écrivez à chaque fois tous ces ouvrages avec des co-auteurs. Merci beaucoup à vous deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Faut-il répondre à ceux qui disent que Pétain a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers? L'histoire est une discipline tellement populaire en France que les polémistes d'extrême droite s'en sont toujours servis pour diffuser leur idéologie. La rhétorique que le journaliste Édouard Drumont avait mise au point dès la fin du XIXe siècle pour populariser l'antisémitisme est aujourd'hui exploitée par Éric Zemmour. Comme chacun sait, depuis des années, il martèle l'idée que le maréchal Pétain aurait accepté de livrer les Juifs étrangers aux nazis, mais qu'il aurait tout fait pour sauver les Juifs français. Cette thèse a été réfutée par la plupart des historiens spécialistes de cette question. Sur les 74 000 Juifs de France qui ont été déportés, un tiers avait la nationalité française. Mais plutôt que de revenir ici sur les preuves qui ont été avancées pour démontrer le rôle que le maréchal Pétain a joué dans ce processus, je voudrais expliquer pourquoi il n'est pas facile pour un historien d'intervenir dans ce genre de débat médiatique. Les polémistes comme Éric Zemmour n'ont jamais mis les pieds aux archives et ils utilisent les livres des historiens sérieux pour en extraire une phrase ou un paragraphe tiré de leur contexte afin d'alimenter des querelles mémorielles dont ils espèrent tirer un profit politique. Il faut donc rappeler avec force que l'histoire en tant que discipline scientifique se distingue de la mémoire parce que sa finalité n'est pas de juger les hommes du passé. L'historien doit s'efforcer de comprendre leur raison d'agir et de penser en les resituant dans le contexte de leur époque. Accepter la manière dont Éric Zemmour pose la question de la déportation des Juifs de France, c'est courir le risque d'introduire dans la recherche historique les querelles qui agitent la scène médiatique. L'écho que rencontrent ces polémistes dans l'opinion ne tient pas dans leurs réponses, mais dans les questions qu'ils cherchent à nous imposer. La façon dont Éric Zemmour parle de la déportation des Juifs vise à faire admettre l'idée que la distinction entre Juifs français et Juifs étrangers serait une question importante et légitime, ce qui peut inciter le public à croire que la déportation des Juifs étrangers aurait été moins grave que la déportation des Juifs français. En se focalisant sur le maréchal Pétain, Éric Zemmour conforte également le préjugé que l'histoire serait uniquement l'affaire des grands hommes. Or, la persécution des Juifs de France sous Vichy ne se réduit pas aux propos et aux actes du maréchal Pétain. Si le nombre des Juifs français qui ont été déportés a été plus faible que celui des Juifs étrangers, c'est surtout parce que le gouvernement de Vichy savait qu'il se serait heurté à des protestations massives s'il s'en était pris officiellement à des citoyens français. Même un régime aussi autoritaire que celui de Pétain avait besoin de justifier ses actes. Voilà pourquoi les pétainistes ont tenté d'exploiter à leur profit la xénophobie qui avait atteint un paroxysme à la fin de la Troisième République pour légitimer leur politique antisémite en jouant sur le clivage entre juifs français et juifs étrangers. C'est ce qui explique aussi pourquoi le régime de Vichy procéda à la dénaturalisation de plus de 15 000 individus ayant acquis la nationalité française pendant l'entre-deux-guerres pour les présenter comme des étrangers. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France où vous trouvez aussi le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.